Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'histoire des métiers de l'enfance serait-elle une histoire qui s'écrit au féminin ? Elles sont en première ligne dès qu'il s'agit de prendre soin des enfants, et notamment dès qu'il s'agit d'enfance irrégulière. En première ligne, mais souvent invisibilisée, déjà de leur vivant, mais aussi dans les archives. Ou alors elles se trouvent dans l'ombre de ces messieurs, médecins, directeurs d'institutions pénitentiaires responsables du redressement de l'enfance. Infirmières, éducatrices, institutrices, c'est une galerie de métiers et de portraits qui s'offrent à nous, quand bien souvent, la professionnelle auprès des enfants, c'est la nounou. Vous savez, il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir, selon l'humeur et plaisir, tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire. C'est le morceau de sucre qui aide la médine à couler, la médine à couler. Médine à couler, juste un morceau de sucre qui aide la médine à couler. Ça vous rend la vie plus belle. Un petit peu de Mary Poppins, c'est Eliane Thibault dans le film Mary Poppins, un film Disney de Robert Stevenson en 1964. Bonjour Amélie Nuc. Bonjour. Bah oui, souvent le rôle des femmes auprès des enfants, c'est la nounou, ça a longtemps été ça. Oui, alors nous avons décidé, dans le cadre de ce dossier de revue, d'éclairer peut-être un autre secteur du travail des femmes auprès de la petite enfance, en l'occurrence pas les nounous, mais ces professionnels de l'enfance qui exercent auprès de l'enfance dite irrégulière, c'est-à-dire l'enfance délinquante, marginale, abandonnée, vagabonde, de laquelle ces femmes prennent soin. Professionnel de l'enfance, portrait croisé, professionnel au féminin bien sûr. C'est un numéro de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière, avec des guillemets à irrégulière. C'est un dossier que vous avez dirigé Amélie Nuc avec Martine Ruchat. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, pour nous en parler, eh bien des intervenantes de ce numéro. Bonjour Camille Jacquard. Bonjour. Bonjour Karine Salomé. Bonjour. Bonjour Victoria Afanasieva. Bonjour. Et avec vous quatre, nous allons dresser des portraits de femmes. C'est très important parce que vous l'avez dit Amélie Nuc, la démarche était de mettre en avant des femmes et des métiers, bien souvent au féminin, qui, je parle de métiers invisibilisés ou de femmes invisibilisées, méritaient d'être mises en avant. Ça a été un travail d'archives déjà, de retrouver ces archives-là. C'est réel quand je dis invisibilisé ? En tout cas, c'était le but du dossier que de donner la voix. Alors quoi de mieux qu'une émission de radio pour le faire, hein, que de donner la voix à ces femmes invisibles, invisibilisées. Donner la voix à des femmes dont l'histoire n'a pas forcément été écrite. Alors on reviendra peut-être aux spécificités du domaine de l'enfance irrégulière, mais de manière générale, l'histoire des femmes a bien montré, Michel Perrault la première, que le silence, cette invisibilisation des femmes se faisait à plusieurs niveaux. Elles n'ont pas forcément laissé de traces directes, elles ont peut-être moins dit jeu que les hommes, considérant que leur vie n'était pas digne d'être racontée, en tout cas que ça n'en valait pas la peine. Elles ont moins laissé de traces indirectes aussi parce qu'elles ont été moins organisées, à partir du 19e siècle notamment. Et ensuite, on n'a pas forcément conservé ces archives-là, donc l'une des tâches des autrices qui sont là aujourd'hui, ça a été de traquer les traces de ces femmes-là pour leur donner la voix et tenter d'en dresser un portrait. Oui, dans des champs qui sont clairement identifiés. La psychanalyse, par exemple, Camille Jacquard, les portraits de femmes dans cet univers-là sont toujours un peu cachés derrière ceux des hommes qui ont souvent été mis en avant. Effectivement, dans les études qui traitent de ce sujet, on insiste beaucoup sur le rôle des médecins directeurs. C'est souvent eux-mêmes qui écrivent d'ailleurs l'histoire de leur service, en mentionnant toujours le travail considérable qui a été fait par les collaboratrices, mais leur nom reste peu mentionné et peu rappelé, et en particulier leur travail est vraiment leur implication au niveau clinique reste assez vague. Et dans cette démarche-là, il y a vraiment cette notion d'enfance irrégulière. Pour la psychanalyse, par exemple, nous sommes à un moment toujours très particulier. À quel moment interviennent ces professionnels, et je le dis au féminin, dans la vie d'un enfant? Quels enfants sont concernés? Alors, dans le cas de la Suisse qui m'a occupée, on observe l'intervention de psychanalyse d'enfants déjà dans les années 30. C'est tout à fait pionnier. Et puis, les enfants qui sont dans ces polycliniques ambulatoires, on pourrait les appeler comme ça, et qui sont à l'origine de cette prise en charge publique de l'enfance irrégulière sous la forme d'une psychiatrie infantile, sont des enfants adressés d'abord par les juges. Dans le cadre d'une réforme de la justice des mineurs qui essaye de mettre l'accent plus sur la rééducation que sur la répression. Mais finalement, assez vite, les enseignants adressent aussi des enfants et les parents eux-mêmes. Donc parmi ces enfants à problème, il y a les colériques, tous ceux qui ont des troubles du comportement, mais il y a aussi les pipis au lit et des petites affaires familiales et des soucis de parents face à l'échec scolaire de leurs enfants. Oui, il y a une variété de cas possibles, hein. Mais Linux, c'est ça, cette enfance irrégulière, vous nous l'avez définie, mais c'est vrai qu'on peut tirer le fil qui va du délinquant, qui va à l'enfant victime de problèmes à l'intérieur de sa famille, même s'il est sage, il est dans une enfance irrégulière. Oui, en tout cas, c'est le terme qui a été choisi par la revue, hein, après avoir été créé. L'idée, c'était de ne pas s'intéresser qu'aux enfants de justice, dont on va en partie parler aujourd'hui, mais d'essayer d'élargir le spectre. Et du coup, l'une des réflexions du dossier, c'est d'essayer de voir si justement ces femmes ont quelque chose en commun, si le fait de s'occuper d'enfants tuberculeux, d'enfants abandonnés, d'enfants qui font pipi au lit, induit des traits communs dans le parcours biographique, le milieu social d'origine, le statut marital. Est-ce que pour faire carrière ou pas dans ces métiers-là, est-ce qu'on a plutôt affaire à des femmes célibataires, mariées? Est-ce que ce sont des femmes qui ont fait des études? Puisque la question de la professionnalisation aussi est quelque chose d'important. Ensuite, le dossier qu'on propose ici est aussi le résultat des contributions qui nous ont été proposées. Mais il y a encore énormément d'autres secteurs travaillant autour de l'enfance qui restent à documenter. Oui, parce qu'il y a beaucoup à faire, hein. Toujours, mais c'est le démarche de l'historien, de l'historienne, ce travail sur les sources, retrouver les sources. Karine Salomé, vous, c'est l'enfance en prison qui vous a intéressé. Là, nous sommes justement dans cette enfance irrégulière, identifiée par la justice. C'est un monde très fini. Mais alors, quelle place pour les femmes dans ces prisons, et notamment à Fresnes? Alors, à Fresnes, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est une IPES, c'est-à-dire institution publique, hein, d'éducation surveillée. Et en fait, Fresnes récupère, entre guillemets, les filles, les jeunes filles, hein, qui sont en gros âgées de 18 à 20 ans, qui ont été chassées déjà d'autres maisons de rééducation, de bons pasteurs, hein, qui étaient des institutions religieuses. Et par conséquent, à Fresnes, on se retrouve avec des jeunes filles extrêmement difficiles. Et face à ces jeunes filles, il y a effectivement essentiellement des femmes qui sont là pour s'en occuper, qui ont des parcours différents. Donc il peut y avoir des monitrices qui sont issues de l'administration pénitentiaire, de jeunes éducatrices qui sont issues du scoutisme, qui ont la volonté vraiment de réformer les choses. Et puis, celle qui m'a intéressée pour la revue, c'est la directrice, qui a un parcours un petit peu singulier parce qu'elle est mariée, on parlait du statut marital, donc elle est mariée, elle a des enfants et elle se retrouve sans avoir été formée à la tête de cette institution qu'elle doit gérer avec un petit peu de difficulté. Elle s'appelle Raymonde Desbois. C'est un parcours atypique, se trouver à la direction d'une institution pénitentiaire, on parle de Fresnes, quand on est une femme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il commence à y en avoir d'autres, hein, notamment à Cadillac. Mais la particularité, en fait, de Raymonde Desbois, c'est qu'elle se retrouve à Fresnes sans avoir eu de formation véritablement, sans qu'on sache véritablement pourquoi elle se retrouve dans l'enfance irrégulière. Elle était d'abord dans une institution de garçons, mais visiblement pour suivre son mari qui lui-même y travaillait. Et puis, sa singularité est peut-être de se retrouver, justement, avec son mari qui a un statut inférieur à elle. Oui, c'est ça, parce que il y a une histoire qui s'écrit en famille ici, mais le directeur général de l'administration pénitentiaire demeure un homme. En 1946, c'est Armand Amor. Monsieur Amor. Eh bien, monsieur, je ne pourrais dire qu'une chose, c'est que la tâche que nous poursuivons tous, d'un commun accord et d'un même cœur, est une tâche éminemment humaine, certes, mais aussi d'intérêt national évident. puisqu'elle tend à prévenir la récidive, à lutter contre la criminalité qui s'accroît, hélas, comme à rendre aux pays qui souffrent, vous le savez, d'une crise démographique grave, le maximum de ses fils et de ses filles égarés, en parfait état de santé et utiles à la communauté. Pour l'accomplir efficacement, il ne faut pas se le dissimuler, il faut appliquer les méthodes préconisées et maintenant bien déterminées dans un cadre approprié et utiliser un personnel formé aux disciplines nouvelles. À cet égard, nous avons ouvert à Fresnes une école pénitentiaire. Mais cela suppose beaucoup de temps et surtout, hélas, beaucoup d'argent. La Tribune de Paris en 1946, Karine Salomé, trouve-t-on dans les archives la mention de l'intérêt de mettre des femmes à certains postes ou qu'elles puissent occuper certains métiers ? Alors, dans le cas de Raymonde Desbois, on a plutôt l'impression qu'elle est placée là parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui veut prendre la place. Elle est reconnue comme étant compétente, hein, puisqu'elle est dans cette institution de garçons où ses supérieurs notent son intelligence, ses qualités humaines. Donc on lui propose effectivement cette place-là. À Cadillac, c'est aussi une femme hein, qui est mise en place pour les jeunes femmes. Mais dans les archives que j'ai pu consulter, il n'y a pas vraiment de mention de l'intérêt de mettre une femme à la tête d'une institution de femmes. J'ai envie de vous poser la question à toutes. Est-ce que vous avez pu croiser au cours de vos recherches un moment où l'on dit « Tiens, ce serait bien de mettre une femme à tel poste parce que il y a trop d'hommes ou parce que elle serait, mais dans la représentation masculine, dotée de capacités particulières ?» Oui. Allez-y, Camille Jacquard. Dans le cas de la psychanalyse, le médecin-chef, quand il justifie son choix d'engager des femmes dans cette profession de psychologue d'enfants, insiste sur le rôle du transfert et en particulier de la figure maternelle qui se prolongerait comme ça dans le cadre de cette polyclinique ambulatoire. C'est-à-dire que ces femmes que vous avez pu étudier, dont vous avez dressé le portrait, sont évidemment au sein de leur profession victime de l'image qu'a la société sur les femmes, on peut dire ça. C'est-à-dire que tout ce côté maternel, etc., est quelque chose qui est mis en avant, Amélie Nuc. Alors, ce que vous soulignez touche à la notion de care, peut-être, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le soin d'autrui, la sollicitude, le fait de prendre soin des gens qu'on a autour de soi, des gens vulnérables, en l'occurrence ici des enfants, serait plutôt une tâche féminine. Donc toute une partie de la philosophie et de la critique féministe s'est saisie de cette notion-là pour mettre en évidence évidemment toute la dimension de construction sociale et historique qu'il y a derrière ces stéréotypes. Mais il est vrai que cela a permis, peut-être paradoxalement, je ne sais pas, à certaines femmes exerçant dans ce domaine-là, d'entrer dans des secteurs d'activité dans lesquels elles ont pu parfois faire carrière et des fois aussi subvertir cette répartition sexuée des rôles sociaux et du travail, cette division sexuelle du travail. Karine Salomé. Il y a aussi l'idée, après la Seconde Guerre mondiale, que les éducatrices doivent être des modèles, des exemples à suivre. Donc principalement, alors même si c'est pas toujours le cas, il y a l'idée que ce sont des femmes célibataires qui doivent montrer à ces jeunes filles délinquantes. Alors délinquantes, je vais peut-être un petit peu loin, parce que de fait, certes, quelquefois elles ont volé, mais d'autres fois elles ont voulu finalement mener leur vie. Et elles se retrouvent donc enfermées pour vagabondage, qui permet de regrouper énormément de situations. Et donc les éducatrices sont là pour leur montrer ce que doit être une femme, c'est-à-dire une bonne ménagère, une bonne mère, en quelque sorte. Et c'est là que la spécificité féminine, effectivement, peut être mise en avant. Camille Jacquard. Mais peut-être pour nuancer ça, les médecins de l'époque remarquent quand même que les personnes les plus formées en psychologie de l'enfant sont ces personnes, en l'occurrence des femmes, mais c'est vraiment leur expertise scientifique sur cette population qui les intéresse en premier chef. Oui, c'est ça, hein. C'est au-delà de l'image caricaturale du care, cette bonté féminine, il y a aussi une formation, une professionnalisation, mais cette volonté de professionnaliser, on va la retrouver un peu partout, hein, jusque dans le foyer. En vain chercherait-on dans l'annuaire des professions, on n'y trouvera pas trace d'un métier qui pourtant en France groupe 12 millions de membres, les mères de famille. Exactement comme les ouvriers spécialisés doivent avoir acquis une technique perfectionnée, les mères de famille ont besoin, pour bien faire leur métier, de beaucoup de savoir-faire. Savoir emmailloter un bébé, par exemple, requiert un minimum d'expérience. Comme acheter, avec discernement, un kilo d'orange. comme choisir entre trois bassines de prix différents. Sont quelques aspects beaucoup moins futiles qu'ils en ont l'air de ce métier qui s'apprend comme tous les métiers. Les caisses d'allocation familiale, avec leur service de formation ménagère, sont précisément là pour apprendre aux mères et futures mères de famille les méthodes qui composent cette science de la vie quotidienne. Ces cours sont destinés aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui n'ont pas reçu pendant leur adolescence de formation ménagère ou qui désirent la perfectionner. Coupe, couture, choix d'un tissu, puériculture et sans oublier, bien entendu, l'art de la cuisine. Perfectionner le métier de mère de famille, n'est-ce pas créer un peu plus de bonheur pour chacun ? Dans le studio du cours de l'histoire sur France Culture, j'ai vu quelques haussements de sourcils et des sourires à l'écoute de cette archive de 1957 du journal des actualités françaises. Amélie Nuc, on a cette volonté de professionnaliser la société. Il y a une professionnalisation, le mot est là, dans les métiers, c'est très logique, mais ici aussi, les mères de famille doivent apprendre. Un souci porté à la professionnalisation pour s'occuper de l'enfant. Oui, alors là, pour le coup, il faudrait probablement contextualiser chacune des professions et chacun des pays qui est étudié, puisque la professionnalisation ne se fait pas à la même vitesse partout. L'idée étant, pour en revenir à la notion de care qu'on évoquait tout à l'heure, qu'un certain nombre des qualités qui sont attendues sont finalement naturelles. C'est-à-dire que les femmes ou les jeunes filles ou les petites filles seraient naturellement dotées d'une attention, de la capacité à prendre soin des enfants. La formation d'abord, puis la professionnalisation étant cruciale dans la mesure où cela entraîne une reconnaissance professionnelle, une possibilité de carrière et aussi des possibilités d'évolution professionnelle et salariale qui sont réelles. Donc il n'y a pas qu'un aspect symbolique à cette professionnalisation-là. Et Joël Drou et Olivia Vernet, donc, qui ont travaillé sur la Suisse romande dans la deuxième moitié du 20e siècle, montrent bien comment la massification scolaire, donc l'accès à l'école, l'accès à la formation, permettent des choix de carrière différents pour les actrices qu'elles ont étudiées, avec toutefois une différence par rapport aux garçons. Les garçons ayant plus facilement accès à l'université, ou en tout cas se dirigeant plus facilement vers l'université, et ayant accès ensuite à des positions de responsabilité qui entraînent, par exemple, un traitement salarial qui est différent. Oui, parce que ici il y a différents métiers, on l'a bien dit, et un panorama extrêmement vaste. Pour les psychanalystes, par exemple, Camille Jacquard, alors toujours avec cet exemple suisse, la formation est pointue, nécessaire, mais avec toutes les difficultés, quand on est femme, de pouvoir accéder à cette formation. Oui, mais c'est surtout l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève qui devient universitaire en 1929, qui est rebaptisé Institut des sciences de l'éducation, qui délivre ce diplôme de spécialiste à la consultation d'enfants. Et donc cet institut bénéficie vraiment d'une aura internationale. On vient vraiment du monde entier pour y étudier. Et là, vraiment, c'est toute une batterie de tests qui sont enseignés, toutes les techniques propre au développement d'un diagnostic psychologique qui est enseigné. Alors d'abord, les étudiantes viennent souvent pour se former à la pédagogie en vue de devenir institutrices. Et finalement, en travaillant avec ce qu'on appelait les enfants anormaux, ont envie de se former davantage en psychologie et font par la suite une analyse didactique dans le but de devenir psychanalyste. Mais c'est des personnes universitaires à partir de 1929 déjà. Oui, on en a vraiment besoin dans les années 50 parce que les gamins ont tendance à faire les 400 coups. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher. Des ronds, quoi, je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue, puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai pu trouver. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils... Je leur dirai des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. C'est d'une logique implacable, hein, Les 400 coups, le film de François Truffaut en 1959, Amélie Nuc. Cette histoire des métiers au féminin, des professionnels de l'enfance, c'est le titre de ce dossier de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière. C'est également l'histoire du regard porté sur l'enfant. Et cette histoire nous permet de comprendre comment on veut prendre de plus en plus soin des enfants. Oui, c'est beaucoup une question de regard, de représentation. Et l'idée qu'on avait, c'était en effet de proposer des portraits, donc à la fois de ces femmes qui exerçaient auprès des enfants, peut-être des portraits d'enfants lorsqu'on y avait accès. Mais là encore, il y a une autre invisibilisation qui s'ajoute, c'est-à-dire qu'on a souvent le regard de l'institution qui les observe. Mais notre idée, c'était aussi de faire le portrait, de laisser une place dans ces portraits aux femmes qui les écrivaient elles-mêmes, donc des face à face qui se dédoublait. Mais en effet, la façon dont les enfants sont regardés implique la façon dont on s'en occupe, mais aussi du coup l'image qui en ressort dans les archives. Et nous, historiens et historiennes, c'est bien le matériau dont on dispose ensuite pour retracer cette histoire-là. Ou dont on ne dispose pas assez parfois dans ces archives. Karine Salomé, dans ce dossier, dans ce numéro de la revue d'Histoire de l'enfance irrégulière, vous êtes intéressée, on l'a dit, à Raymonde Desbois, directrice de l'éducation surveillée à Fresnes, 1946-1947, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous-titré « Entre détermination, doute et renoncement ». Justement, comment avez-vous travaillé à partir des archives pour percevoir la manière dont cette femme percevait son métier ? Alors, dans le cas de Raymonde Desbois, l'intérêt, le grand intérêt, c'est qu'elle a laissé des carnets. Donc, il y a des carnets de surveillance qu'on peut trouver dans d'autres institutions, mais il y a surtout des carnets de correspondance. Et c'est également un dernier carnet extrêmement important qui montre comment elle fait ses premiers pas dans cette institution de jeune fille. Et à travers les correspondances et à travers ce premier carnet, on peut effectivement sentir la manière dont elle ressent les choses, dont elle les présente. Alors évidemment, il faut toujours avoir un petit peu de prudence parce qu'elle l'écrit, donc elle se donne à voir. Mais on a quand même l'impression à la lire qu'elle est quand même assez sincère, qu'elle montre vraiment ses difficultés. Au bout de 8 jours, hein, dans cette institution, elle alerte ses autorités hiérarchiques pour dire qu'elle ne peut pas s'en sortir si on lui conserve la même chose. Elle demande à ce que certaines mineures soient envoyées ailleurs. Donc, c'est vraiment un cas particulier parce que sinon, on peut travailler sur la presse, on peut travailler bien évidemment sur les archives institutionnelles qui existent aussi, hein, mais il n'y a pas cette richesse et cette finesse qui ressort évidemment des carnets de... Le carnet de Madame Desbois. Et dans les archives, dans les documents, bien sûr, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a le nouvel intérêt porté à la jeunesse. C'est une ordonnance qui change. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez nous la présenter, Karine Salomé, cette ordonnance de 1945 ? Donc, c'est l'ordonnance, effectivement, du 2 février 1945 qui, pour faire vite, hein, indique que dorénavant, on va mettre l'accent non pas sur la répression, mais sur la rééducation. Et Raymonde Desbois s'inscrit dans cette démarche-là. Mais là, il y a cette temporalité qui est toujours plaisante en histoire. C'est le moment très court de l'ordonnance de 1945. Et puis elle-même, tout ce qu'elle porte par son expérience professionnelle et par son éducation aussi. Oui, alors elle est quand même passée par une institution de garçons, hein, qui s'appelle Saint-Maurice, où des réformes avaient déjà été engagées à partir des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec déjà ce souci de valoriser les enfants, de les faire progresser. Ils pouvaient passer dans des sections différentes selon leur comportement et avoir des récompenses. Donc elle est quand même marquée par cet aspect-là, avec l'idée qu'il faut vraiment avoir un souci de rééducation. Sauf qu'elle est confrontée à la réalité, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans un quartier à Fresnes, une structure carcérale avec aucun moyen. Et on voit bien que finalement, elle est incapable de mettre en place ce qu'elle a vécu et vu à Saint-Maurice. S'ajoute à cela peut-être une manière de penser que l'on retrouve par ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'elle a un regard, on parlait de regard et de représentation. À certains moments, elle parle effectivement de ces jeunes filles qui sont perverses, inéducables. Ce discours qui paraît très dur, c'est quand même un discours qu'on retrouve aussi auprès des autorités hiérarchiques, auprès de l'éducation surveillée, qui peut avoir un souci de rééducation pour les mineurs, mais qui ne sait absolument pas quoi faire de celles que l'on qualifie d'inéducables, de perverses, récalcitrantes, etc. Donc, elle s'inscrit dans cette lignée-là, avec effectivement son éducation sans doute, ce souci de proposer une bonne ménagère, une bonne mère de famille, cette volonté aussi de rééduquer, et puis cette contrainte qui fait qu'elle est obligée d'être très autoritaire. Oui, parce que c'est un monde vraiment divers, hein, et on le dit, on le souligne, ce sont des portraits dans des pays différents, dans des métiers complètement différents, mais avec, malgré tout, toujours une réflexion, c'est comment s'occuper de cette enfance irrégulière. France Culture, le cours de l'histoire. La suppression éventuelle du bagne de la Guyane et la réorganisation des maisons d'éducation ont ramené devant l'opinion les grands problèmes de la répression du crime et du relèvement moral des criminels. C'est pourquoi nous posons aujourd'hui la question : peut-on à la fois punir et rééduquer ? Xavier Mauduit. Ah oui, on se pose cette question, punir et rééduquer. Amélie Nuc, dans ses portraits de femmes, et c'est dans cela que la démarche est intéressante d'en avoir plusieurs qui se succèdent, et une analyse globale de toutes les femmes avec un panorama nous permettrait de souligner la diversité des parcours possibles de ces professionnels de l'enfance. On va trouver un peu de tout en fait. Oui, et là vraiment le dossier qu'on propose n'est qu'un aperçu de tout cela, et c'est aussi un appel justement à encore plus de recherches sur encore plus de figures féminines, masculines, déjà connues ou non, puisque certaines des personnes qui sont dont le portrait est fait ici ont laissé des mémoires, des autobiographies, ont voulu laisser une trace elles-mêmes, mais on a aussi eu pour volonté de faire le portrait de petites mains, de personnes qui n'ont d'anonymes, de femmes issues de classes populaires qui n'ont pas laissé de traces jusque-là dans l'histoire. C'est par exemple ce que fait Clyde Plumosi dans le texte qu'elle consacre à des nourrices de l'assistance publique qui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ont donc allaité dans des hôpitaux parisiens des enfants qu'on leur a confiés. Alors, ce ne sont pas des nourrices qui travaillaient dans le Morvan et à qui, par exemple, on amenait des enfants dont elles s'occupaient sur place. Non, elles travaillent dans des hôpitaux. Et ce qui est intéressant, c'est que Clyde Plumosi a retrouvé la trace de Blanche, Henriette, Marie, Jeanne, Marcel, Marguerite, Jeanne, parce que ces dernières ont protesté, ont intenté un recours contre l'assistance publique. Pourquoi ? Parce que elles accusent l'administration de les avoir contaminées, enfin en tout cas pas directement l'administration, mais en tout cas l'administration serait responsable de leur avoir confié des enfants malades de la syphilis, et donc en les allaitant, elles ont contracté la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles reprennent, c'est une forme de prise de pouvoir, en tout cas c'est ce qui laisse trace dans les archives et ce par quoi l'historienne les attrape ensuite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Clyde Plumosi essaie de reconstituer leur histoire avant, savoir qui elles sont, est-ce qu'il y a des traits communs justement dans cette biographie collective-là, et surtout essayer de reconstituer leur histoire après aussi. Qu'est-ce que dans leur vie, le fait d'avoir à un moment donné allaité un enfant malade de la syphilis a eu comme conséquence ? Parce que des fois, elles ont eu des enfants qui, elles-mêmes, par la suite, qui ont été malades, ça les a empêchés de travailler, et comme dit le mari de l'une d'elles, il n'a pas envoyer sa femme travailler pour qu'elle s'empoisonne et qu'elle court ensuite le risque de mourir elle-même. Oui, parce que ces portraits de femmes et donc cette histoire des professionnels de l'enfance reflètent les préoccupations de la société, et ça à travers le temps qui passe, avec une préoccupation assez constante, hein, c'est celle de l'alcoolisme. Monsieur le professeur, je suis particulièrement heureux de visiter le stand du Haut Comité d'études et d'information sur l'alcoolisme. Ma présence ici vous prouve quelle importance le gouvernement attache à la solution de ce problème que constitue l'alcoolisme. Vous ne vous attachez pas seulement au côté négatif du problème, c'est-à-dire à la lutte contre les effets de l'alcoolisme. Vous vous attachez surtout à faire œuvre constructive en étudiant les meilleurs moyens de fabriquer les jus de fruits qui sont les boissons de remplacement naturelles des boissons alcoolisées. Vous faites plus car vous vous attachez à l'éducation des enfants. En effet, il ne s'agit pas précisément de convertir à l'eau ou au jus de fruits les adultes, il s'agit de faire l'éducation des enfants. À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Nous venons d'entendre un reportage chez Léopold Sédar Senghor, qui était alors secrétaire d'État à la présidence du Conseil des ministres et qui se rend sur le stand anti-alcoolisme au Salon de l'Enfance. C'est en novembre 1955. Et l'autre archive, c'est un an plus tard, en 1956, les actualités françaises qui évoquent l'alcoolisme, en tout cas l'alcool, mais qui n'est plus servi dans les cantines scolaires. Victoria Afanasieva, cette histoire de l'alcoolisme, vous la connaissez, vous l'avez étudiée, cherchez la femme, histoire du mouvement anti-alcoolique en France, 1835-2013, ça va assez récemment, c'est issu de votre thèse, vous permet de croiser des femmes. Et vous croisez des portraits de femmes. C'est ça qui est intéressant. Qui sont, j'ai envie de dire, vos héroïnes? Alors, c'est un article qu'on a écrit à quatre mains avec l'historienne suisse Audrey Bonvent. Donc ce sont des portraits croisés de deux militantes, une parisienne, Victoire Lecoy, et une suissesse, Adèle Huguenin, qui écrivait sous le pseudonyme T. Combes. Et quand on s'est rencontrés avec Audrey lors d'un colloque, on s'est rendu compte qu'on faisait à peu près les mêmes recherches, moi sur la France, elle sur la Suisse. Et on a fait nous-mêmes, de nos côtés, les études prosopographiques. Donc on a commencé à chercher, on a trouvé des points en commun. Et nos recherches se sont nourries en Suisse et en France. Et ce qui a permis pour cet article-là que nous avons proposé pour la revue, de faire le parallèle entre les deux parcours. Donc ce sont deux femmes issues des classes plutôt populaires, plutôt modestes. Ce sont deux protestantes. Victoire Lecoy reste à Paris, elle habite à Paris et elle ne voyage pas beaucoup, elle se déplace pas beaucoup, seulement dans le département de la Seine pour faire de la propagande dans les écoles. Tandis que Adèle Huguenin, elle est romancière, elle écrit beaucoup, elle est assez connue, elle se déplace en Suisse, en France, et elle va jusqu'aux États-Unis pour faire la propagande, la promotion littéraire de son œuvre, mais aussi parler de son œuvre anti-alcoolique. Et nous n'avons pas eu de preuves, mais c'est très fort probable que ces deux femmes se sont croisées sur le champ anti-alcoolique. Elles viennent d'un milieu modeste, vous l'avez dit, et il y a dans leur parcours de vie, ce moment, cette lutte contre l'alcoolisme. Comment on peut expliquer que ces deux femmes, qui se sont rencontrées peut-être un peu plus tard, aient fait ce choix-là? Est-ce que en étudiant leur parcours et ensuite en les croisant, croiser les parcours, c'est ce que vous avez appelé avec justesse la prosopographie, eh bien ça nous permet de saisir un mouvement qui est beaucoup plus large? Oui, tout à fait. Si pour Victoire Lecoy, l'engagement anti-alcoolique paraît plutôt fortuit, pour Adèle Huguenin, ça paraît être un choix de lutter contre l'alcoolisme. C'est un vrai engagement personnel contre l'absinthe à l'époque. Donc, elle militait aussi pour les droits de femmes. Elle était dans les milieux politiques. Mais ce qui est commun à ces deux femmes, donc c'est le protestantisme. Et dans les milieux protestants, il y avait une association, la Croix Bleue. C'est une association fondée en Suisse romande précisément, et qui est ensuite passée en France. Donc c'est un des points en commun entre ces deux femmes. Et cette association, son but était de promouvoir l'abstinence, donc de refuser toute consommation de toutes les boissons alcooliques, y compris le vin, la bière et le cidre. Et il y avait une section pour les enfants, et il y avait une section qui s'appelait Espoir. Et le but de l'Espoir était d'apprendre aux enfants les bonnes habitudes, de dire que l'alcool c'est mauvais, qu'il ne faut pas boire, et donc pour que l'avenir, ces enfants deviennent de bons citoyens. Oui, parce que c'est ça, hein, la spécificité, c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est l'intérêt porté à l'enfant de la part de ces femmes. Dans l'histoire de la lutte anti-alcoolique, qui est extrêmement vaste, il y a toujours ce regard regard porté vers l'enfant, directement s'adressant à l'enfant, ou alors en envisageant combien des parents alcooliques vont donner des enfants qui risquent d'être irréguliers, pour reprendre ces mots avec des guillemets. Tout à fait. Il faut dire que le mouvement anti-alcoolique en France et en Suisse s'est formé à la fin du 19e siècle et il était fortement imprégné des idées de la théorie de dégénérescence, l'idée que les parents alcooliques engendrent des enfants rachitiques, malades, futurs criminels. Et en Suisse, il s'agissait de la question sociale. Donc l'idée, c'était à la fois de former l'enfant, mais aussi de parler aux parents pour leur dire à quel point c'est important de ne pas donner de boissons alcooliques, à la mère de ne pas boire pendant la grossesse et pendant l'allaitement pour que l'enfant ne boit pas d'alcool pour que la nation française, la France et la Suisse aient des futures générations saines et sobres. Ça, c'est une tendance générale, hein. Amélie Nuc, à travers tous ces portraits que l'on peut croiser, mais même la lecture plus large de regard porté sur l'enfance, c'est redresser ceux que l'on considère comme tordus, voire irréguliers, puis sauver les enfants, mais dans un intérêt national. Oui, mais probablement que toute la semaine, vous avez vu combien le regard sur l'enfance, l'encadrement de la jeunesse était porteur aussi de projets politiques et du coup de visions aussi qui pouvaient être très antagoniques. Je pense que cela se voit par exemple dans la contribution de Laure Pesquet, donc qui elle travaille sur l'histoire de l'Égypte contemporaine et qui propose le portrait de Laila Doss, qui est une militante qui a travaillé auprès des enfants tuberculeux. Et l'intérêt de son article est de montrer que le parcours biographique et militant et politique aussi de Laila Doss s'inscrit dans toute l'histoire de l'Égypte du XXe siècle, puisque Laila Doss a eu une très longue vie. Cela montre aussi peut-être une caractéristique qui est partagée par d'autres femmes décrites dans le dossier, qui est qu'on s'engage pour une cause, mais souvent pour d'autres causes aussi, en l'occurrence la cause nationaliste en Égypte, parfois la cause féministe. Alors, est-ce que les personnes qui sont décrites là sont féministes? Je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas toujours répondre, mais en tout cas, qui apporte des réponses nuancées. J'allais vous la poser. Je m'en doutais. Mais Laila Doss s'engage auprès des enfants tuberculeux, s'engage dans d'autres causes aussi, mais dans des contextes qui sont très différents, c'est-à-dire le contexte du protectorat, de la monarchie égyptienne, l'Égypte de Nasser, l'Égypte de Sadat, ce qui a une incidence aussi sur son propre travail, parce que Nasser ne voit pas du tout les choses de la même manière, et la philanthropie et la charité privée, bourgeoise, c'est quelque chose, c'est pas du tout sa tasse de thé. Donc elle a dû aussi, elle a vu en fait l'institution qu'elle avait fondée être dissoute à ce moment-là, donc elle doit aussi s'adapter à des visions différentes de ce qu'implique le fait de s'occuper de l'enfance en général et en l'occurrence des enfants tuberculeux en particulier. Oui, c'est cette grande crainte de la tuberculose qu'on retrouve un peu en parallèle avec la grande crainte de l'alcoolisme, et souvent les deux sont reliés. Non, sur cette question du féminisme, est-ce que vous avez pu croiser ça? Dites-nous, Karine Salomé, est-ce que votre directrice de la prison de Fresnes peut être qualifiée de féministe? J'avoue que j'aurais du mal à répondre. C'est ce que je disais tout à l'heure, un petit peu dans la logique, il faut former de bonnes ménagères. Alors après, sa position fait que peut-être qu'on peut la qualifier de féministe, effectivement, à la tête d'une institution, avec ce statut supérieur à celui de son mari, avec une femme qui tient tête aussi aux hommes qu'elle a en face d'elle, avec ses autorités hiérarchiques, parce qu'elle a un certain aplomb quand même, pour mettre en évidence ses difficultés et pour demander à ce qu'on fasse quelque chose. Mais vraiment, votre question me perturbe. Mais non, mais c'est intéressant, hein, parce que dès que l'on parle de professionnel au féminin, tout de suite, il y a une idée, le féminisme, etc. Mais ce n'est pas une évidence. Il y a des démarches complètement différentes. Camille Jacquard, qu'est-ce qu'une psychanalyste d'enfants? L'exemple des assistantes psychologues de l'Office médico-pédagogique vaudois, c'est la livraison que vous avez offerte à ce dossier de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière. Alors là aussi, nous sommes dans un monde médical très masculin, avec une autorité masculine, et ses assistantes psychologues, comment arrivent-elles à s'imposer ? Elle s'impose aussi avec la protection du médecin-chef qui, lui, est un militant pour le suffrage universel en Suisse. Donc, la recherche à partir des noms des personnes, notamment dans la presse locale, permet d'identifier leur appartenance à des réseaux pour le suffrage universel, féministe, des réseaux nationaux, mais aussi internationaux. Et parce que c'est cela, hein. C'est un engagement particulier, mais là c'est souvent professionnel. Et puis après, dans la vie, on peut s'engager dans plein de domaines. Valérie Afanasieva, est-ce que les deux femmes que vous avez particulièrement étudiées dans la lutte contre l'alcoolisme s'engagent dans d'autres combats de leur temps ? Oui, tout à fait. Pour la Suissesse Adèle Huguenin, c'est tout à fait vrai. Et elle avait plusieurs facettes. Elle était féministe décidément parce qu'elle écrivait, elle militait pour le suffrage des femmes parce qu'on a ses archives. Elle a légué ses fonds, ses agendas à la bibliothèque municipale du Locle. Tandis que pour Victoire Lecoy, c'était un peu compliqué parce qu'elle n'a pas laissé d'archives. Il y a des petites traces dans la presse anti-alcoolique. C'est pratiquement la seule source. Et on ne peut que faire une hypothèse sur son éventuel féminisme. Elle était comme beaucoup de protestantes de ce temps-là, de la fin du 19e siècle, début du 20e, comme les caractérisait Geneviève Pujol, des féministes sous tutelle. C'est joliment dit, Victoria. Dites-nous, Amélie Nuc, sur cette place des femmes professionnelles, c'est professionnelles de l'enfance. La question que vous nous posez, Xavier Mauduit, vous nous la posez aujourd'hui en 2023. Peut-être que ces actrices ne se la sont pas posées, ou certaines si, d'autres non. Mais c'est aussi du coup là que réside l'un des intérêts de la démarche des auteurs qui ont écrit dans le dossier. Certaines ont recouru à l'histoire orale, qui du coup permet, par exemple, de poser cette question-là aux témoins qu'elles ont face à elles. Olivier Vernet et Joël Droux, donc, qui ont travaillé sur des femmes qui ont travaillé dans le domaine de la profession de la protection de l'enfance en Suisse romande dans la deuxième moitié du XXe siècle, montrent bien que certaines d'entre elles se sont engagées en 68, enfin dans le contexte des années 68. Donc elles avaient possiblement un engagement féministe, mais pas forcément. Mais qu'en tout cas, cette posture militante les a conduits à des choix de carrière, c'est-à-dire que certaines ont fait le choix du privé, par exemple, dont elles estimaient que c'était un domaine qui leur permettait de mieux travailler en fonction de leurs convictions à elles. C'est-à-dire qu'elles pouvaient mieux prendre soin des enfants qu'elles avaient face à elles parce qu'il y avait plus, paradoxalement, peut-être, je ne sais pas, de fluidité, d'hybridité, de souplesse dans ce domaine-là. Et l'histoire orale, c'est aussi la démarche donc, qu'a choisie Amélie Rabin, qui nous propose un texte un peu moins classique, un carnet de terrain, donc dans lequel elle nous raconte comment elle a interviewé une ancienne religieuse, une ancienne éducatrice et une ancienne infirmière. Donc elle peut directement leur poser des questions, par exemple celle-ci ou d'autres. Et on voit en fait aussi combien, par exemple, l'engagement de Christine est quelque chose qui l'a, de Christiane est quelque chose qui l'a accompagnée tout le reste de sa vie. Elle raconte combien elle dit qu'elle a aimé tout de suite les jeunes filles qu'elle avait pour mission d'éduquer. Et elle montre combien un souvenir la taraude, c'est celui de Myriam, qui donc avait 15 ans, hein, et qui dans l'institution dans laquelle elle travaillait, donc avait été violée, s'était retrouvée enceinte, et donc est victime d'un avortement à l'aiguille à tricoter, hein, qui est pratiqué par ses congénères. L'affaire a été cachée en fait par les supérieurs, par les autorités, par l'institution. Et elle raconte combien elle continue à vivre avec ça. Et elle se dit, ah, peut-être que quand même j'ai été trop disciplinée et j'aurais dû plus protester. Mais donc, on voit combien le fait de les suivre sur le temps long nous renseigne aussi sur les sentiments qu'elles ont pu ressentir alors même qu'elles travaillaient il y a de ça une cinquantaine d'années. Karine Salomé, dans le cas de l'enfance en prison avec une directrice de l'éducation surveillée à Fresnes, on a là aussi le avant, le après, on a le moment où elle est en fonction, mais il y a le d'où elle vient, le regard porté sur ces jeunes mineurs dont elle a la charge. C'est une histoire complète qui doit s'écrire pour comprendre simplement son métier. Oui, alors la difficulté, c'est effectivement de retracer tout ce parcours, parce qu'on peut effectivement retracer son parcours d'institutrice hein, qui précède son arrivée à Fresnes. On peut retracer aussi son parcours d'institutrice une fois qu'elle retourne dans l'éducation nationale, mais retracer vraiment son parcours au sein de l'éducation surveillée à part Fresnes, c'est-à-dire comment ses supérieurs l'ont ensuite jugé. Alors on a quelques éléments, hein, mais moi je suis toujours en attente de son dossier qui est en traitement aux archives nationales, donc j'espère avoir des éléments dedans, mais... Finalement, pour moi, il me manque encore des choses. C'est-à-dire que je sais qu'elle sort de l'institution, visiblement début juin 47, après la mutinerie. Mais mutinerie dans la prison. Voilà. En fait, si je me suis intéressée à Raymonde Desbois, c'est d'abord parce que je m'intéresse à la mutinerie, à la révolte hein, de 1947, où une quarantaine de jeunes filles commence à piller l'économat, sort sur le chemin de ronde, il faut appeler les pompiers, la police pour les déloger, et la presse en parle énormément. Donc c'est d'abord à travers cela que j'ai découvert donc ce personnage de Raymonde Desbois. Et beaucoup d'éléments nous manquent finalement sur son parcours au sein de l'éducation surveillée, pourquoi elle y rentre, pourquoi elle en sort. Là, ça reste encore un petit peu incertain. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est professionnel de l'enfance, des portraits croisés de femmes, avec, nous l'avons dit, un regard qui a longtemps été porté sur les femmes comme dotées d'une bonté particulière qui les rend aptes à s'occuper des enfants, et puis une professionnalisation qui arrive peu à peu, et qui commence au jardin d'enfants. Je suis jardinière au collège depuis 7 ans maintenant. Est-ce que vous avez trouvé les débuts difficiles ? Eh bien, à vrai dire, oui. Il y a très souvent le cas d'enfants difficiles ou d'enfants qui apprennent avec plus ou moins de facilité. Est-ce que c'est un métier fatigant ? Fatigant surtout du point de vue nerveux. Nous avons 25 à 30 enfants. Au point de vue appointement ? Point de vue appointement. Vous avez suivi la filière normale également ? La filière normale, oui. Nous avons maintenant une ancienneté qui est déjà appréciable. Mais évidemment, nous aimerions pouvoir avoir un peu plus. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, nous étions en 1958. J'ai l'impression que ces propos sont toujours d'actualité. Parce que jardinière d'enfants, déjà, il faut rappeler... Hein. Femme qui s'occupe des enfants dans un jardin d'enfants en toute logique. La question de la professionnalisation va de pair avec celle des appointements. Amélie Nuc, je ne vais pas vous poser la question qui serait stupide de dire mais sont-elles aussi considérées que les hommes, vu que ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. À ce moment-là, ça ne l'est pas encore. Mais à partir de quel moment commence-t-on à percevoir comme une évidence que ces professionnels au féminin de l'enfance méritent leur position au-delà de ces vertus que l'on attribue habituellement aux femmes? Cela revient en partie à faire l'histoire du secteur social dans son ensemble, qui est un secteur qui se professionnalise peu à peu. Les congrégations religieuses féminines sont très actives dans ce domaine-là, la philanthropie et la charité privée aussi au XIXe siècle. Donc là, je pense qu'il faudrait regarder profession par profession. Par exemple, Lola Zappi a travaillé sur l'histoire de ces travailleuses qui exercent auprès des familles des classes populaires. On en sait plus désormais sur les professions d'assistante sociale. Notre souhait, c'était là d'éclairer le cas voilà, aussi des juges des mineurs, de militantes anti-alcooliques, de psychanalystes, de pédagogues aussi, comme une pédagogue polonaise qu'étudie Renata Latala dans le dossier. Mais peut-être qu'on postule une unité qui finalement n'existait pas. Mais ce qu'on voulait, c'était montrer aussi la diversité des secteurs, donc à la fois profession par profession. Il nous a semblé aussi que l'une des conclusions du numéro, c'est que le contexte joue énormément et que les possibilités d'ascension sociale, d'émancipation professionnelle, individuelle, tiennent beaucoup au contexte dans lequel ces femmes ont travaillé. Et là, pour le coup, la reconnaissance des formations, la structuration des formations, la reconnaissance professionnelle et l'égalité salariale éventuelle qui en découle change beaucoup. Et ce que montrent Olivier Vernet et Joël Droux, c'est que les femmes accèdent à plus de reconnaissance professionnelle parce que la massification scolaire leur permet d'accéder à des professions de façon plus massive, à des professions auxquelles n'avaient pas accès par la voie professionnelle jusque-là, ça leur permet aussi une diversité de possibilités. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins contrainte, parce qu'on travaille dans ce secteur-là, à suivre un parcours défini. Camille Jacquard, le contexte est important. Dans le cas de la Suisse, ces assistantes psychologues sont-elles soutenues par un pouvoir médical qui a tout intérêt en fait à les avoir ou pas ? Oui, absolument. Le médecin les soutient, insiste beaucoup sur la question des titres, des salaires, de leur statut, milite activement pour reconnaître leur statut de fonctionnaire, de les employer à titre régulier, ce qui n'est pas le cas de toutes les collaboratrices. Et vraiment, c'est pour le bon fonctionnement du service que cet encadrement est nécessaire. Ce sont encore des professions qu'on décrit comme paramédicales, mais en même temps, leur rôle dans le diagnostic psychiatrique est fondamental. Donc, il faut encadrer cette profession. Et si moi, je me suis intéressée aussi à ce sujet d'un point de vue historique, c'est que actuellement en Suisse, mais c'est le cas ailleurs aussi, la question des titres de psychologue, psychothérapeute fait vraiment débat, en lien aussi avec le remboursement des psychothérapies par une assurance de base de santé. Avec des parcours qui nous conduisent dans des cheminements qui pourraient être similaires et puis qui, à un moment, changent. Je pense au métier d'institutrice. Vous l'avez dit, hein, Karine Salomé, la directrice de Fresnes a été institutrice. Mais Victoria Afanasieva, également de votre côté, ces femmes qui luttent contre l'alcoolisme passent par un moment de leur vie ce métier d'institutrice. En fait, ce sont des chemins, des portraits croisés, mais avec des embranchements où parfois on peut se retrouver. Et on va jamais dire assez combien ces métiers de l'éducation sont importants. Professeur des écoles aujourd'hui, institutrice. C'est ça, ce sont des cheminements en fait très particuliers. C'est ce qui est intéressant pour l'historienne d'essayer de trouver en fait à quel moment on décide de s'orienter dans ce champ de protection de l'enfance. Pour ces femmes qui luttaient contre l'alcoolisme. Oui, il faut dire que Adèle Huguenin était enseignante pendant un certain temps et après elle est devenue romancière. Elle a choisi d'abandonner l'éducation pour devenir écrivaine et elle arrivait à vivre de sa plume. Tandis que Victoire Lecoix, la parisienne, elle n'a pas été remarquée dans l'enseignement, mais elle disait que les étudiants du quartier de la Sorbonne constituaient son public préféré. Et elle accueillait, quand elle travaillait au siège social de la Ligue nationale contre l'alcoolisme, surtout pendant la Première Guerre mondiale, elle accueillait des groupes d'enfants au siège. Elle leur racontait les horreurs de l'alcoolisme, elle leur montrait des organes ravagés par l'alcool, etc. Et elle se déplaçait avec les mêmes conférences dans les écoles. Donc elle était en contact avec les enfants, avec les tout-petits-enfants, avec les adolescents, en permanence. Et aussi, à la fin de sa vie, dans les années 20, elle participait aux manifestations grand public à la Foire de Paris, au concours L'Épine, où elle voyait aussi des mamans avec leurs enfants, des groupes d'écoliers qui venaient visiter la Foire de Paris, par exemple. Et nous parlons de groupes d'enfants, d'adolescents. Y a-t-il, pour terminer cette émission, Amélie Nuc, un moment où il y a l'idée que ces professionnels de l'enfance vont s'occuper des petites filles particulièrement, ou alors des tout petits bébés, et puis, mais en parallèle à cette démocratisation de l'éducation, à cette professionnalisation, l'idée que ces femmes peuvent s'occuper de tous les enfants, c'est moins genré comme monde professionnel. Alors là, il faudrait probablement regarder secteur par secteur. L'évolution de la mixité, de manière générale, ne se fait pas forcément à la même vitesse partout. En tout cas, il y a l'idée, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission, qu'a priori, ce sont les femmes qui sont les plus aptes, naturellement, en raison des savoirs, faire qu'elles ont acquis au sein de leur famille, sont les plus aptes à s'occuper des petits. Si on en revient au cas des institutrices, en France, en tout cas, les institutrices obtiennent l'égalité salariale relativement tôt. C'est l'une des premières professions dans lesquelles c'est le cas à la fin du 19e siècle. Mais il y a quand même une répartition très nette. C'est-à-dire que dans une même école à la campagne, ce sera l'épouse qui s'occupera des tout-petits à l'école maternelle et son mari qui s'occupera des enfants plus âgés. Donc je pense que là, il faut regarder secteur par secteur, que tout cela évolue. Et par exemple, Raymonde Desbois travaillait dans une institution pour garçons avant d'arriver arriver à Fresnes. C'est pour ça, hein, c'est cette diversité de parcours qui est très intéressante. Et vous l'avez très bien dit, Amélie Nuc, qui avait dirigé avec Martine Ruchat ce numéro de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière. Ces portraits, c'est aussi, au-delà du plaisir qu'on a à découvrir et à comprendre, l'amorce de recherches beaucoup plus vaste où tous ces portraits vont se croiser de plus en plus pour essayer d'éclairer cette histoire des professionnels de l'enfance. Merci vivement à toutes les quatre. Hein. Camille Jacquard, c'est l'Université de Lausanne, l'Institut d'Histoire du Temps Présent à Paris. Et votre livre, hein, « Paroles folles dans la psychiatrie au XIXe siècle ». Et je vous remercie les unes les autres. J'ai vite fait faire le tour. Karine Salomé, c'est l'Université Paris, le Centre d'Histoire du XIXe siècle. Merci Victoria Afanasieva avec « Chercher la femme, cette histoire du mouvement anti-alcoolique » et à vous Amélie Nuc, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes. Merci à toutes les quatre. Et maintenant, voici Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi la ville de Nantes est-elle devenue la capitale de la France des grèves en 1955? Durant l'été 1953, alors que les grandes manifestations populaires de l'immédiate après-guerre commençaient à décliner, des pans entiers de la société française s'embrasèrent à nouveau. Comme je l'ai déjà raconté dans une précédente chronique, c'est en juillet de cette année-là que Pierre Poujade organisa sa première grande manifestation antifiscale à Saint-Céré, dans le Lot, donnant le coup d'envoi du mouvement qui a porté son nom. Les viticulteurs du Midi se mobilisèrent contre la baisse des cours du vin en bloquant les axes routiers. En août de la même année, éclata la première grève massive dans les services publics, ce qui contraignit le gouvernement à abandonner des décrets-lois qui voulaient prolonger de 2 ans l'âge de la retraite. Ces grèves furent le point de départ d'une recrudescence des conflits qui s'intensifièrent dans les années suivantes. Le 20 juin 1955, à Saint-Nazaire, les soudeurs des chantiers navals, en lutte depuis 4 mois, prirent d'assaut les bureaux de la direction. Après la pause de l'été, 12 000 métallurgistes affrontèrent 4 000 CRS et parvinrent à les encercler. Les pompiers furent ensuite désarmés par les manifestants qui s'emparèrent de leurs lances et les retournèrent contre les CRS. Au bout du compte, ces affrontements firent une centaine de blessés, dont la moitié parmi les forces de l'ordre. 32 grévistes furent arrêtés, mais aucune inculpation ne fut retenue contre eux. Après 6 mois de lutte, les ouvriers de Saint-Nazaire obtinrent une augmentation des salaires de 22%, ce qui mit fin au conflit. Les syndicats nantais des entreprises métallurgiques réclamèrent alors l'égalité avec les nazériens, en reprenant à leur compte une tactique de lutte combinant grève tournante et manifestation qui avait fait ses preuves à Saint-Nazaire. Lors des affrontements avec les forces de l'ordre, une bombe artisanale fut lancée au milieu d'un peloton de CRS qui fit 27 blessés dans leur rang. Quelques jours plus tard, lors d'une manifestation devant la préfecture, Jean Rigolet, un ouvrier maçon de 24 ans, fut abattu par le tir d'un CRS. L'émotion fut alors portée à son comble, provoquant des scènes de violence qualifiées par les observateurs de véritables guérillas urbaines. En septembre 1955, Paris Match consacra sa une à ces événements en titrant « La France des grèves a pour capitale Nantes ». Craignant une généralisation du mouvement dans toute la France, les autorités jouèrent alors la carte de l'apaisement. Le préfet du département démissionna. Les CRS quittèrent les usines et les 210 ouvriers arrêtés furent libérés. Après 49 jours de lutte, les grévistes, ayant obtenu une hausse de salaire de 12 à 15%, reprirent le travail. Comme l'a noté Daniel Tartakovsky dans l'ouvrage qu'elle a consacré à l'histoire de ces luttes populaires, les manifestations les plus importantes de cette période se sont surtout déroulées dans des régions sous-industrialisées, sous-urbanisées et dont la propension à manifester fut longtemps faible. Ce qui explique peut-être la violence de révolte qui échappait au contrôle et à la discipline qu'avaient imposé au fil du temps les grandes organisations du mouvement ouvrier. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Raphaël Laloum et Mayouen Guizhou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et bien sûr l'application Radio France.